bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence ce soir. Bonsoir aussi, on a les amis de My Science Work qui sont là et qui vont commenter la soirée en direct sur Twitter. Donc vous aussi sur Twitter, vous pouvez aussi réagir à ce qui se passe ce soir, poser éventuellement directement vos questions par My Science Work et par Twitter avec le hashtag KnessTweetUp et vous pouvez directement réagir ce soir à notre débat. Un nouveau mardi de l'espace donc ce soir, organisé comme à chaque fois par le CNES et par l'association Barre des Sciences Paris. On va donc se poser une question ce soir. La planète Mars a-t-elle, à un moment de son histoire, connu des conditions propices à l'apparition ou au maintien de la vie? En gros, est-ce que Mars, un jour, a été habitable? Ça, c'est la question à laquelle le rover Curiosity, qui se trouve actuellement à quelques centaines de millions de kilomètres de nous, essaye de répondre avec des instruments tout à fait étonnants, une sorte de laboratoire sur roues, ce Curiosity qui, effectivement, provoque beaucoup d'intérêt chez vous, bien sûr, et puis chez les scientifiques. Ça fait 200 jours que Curiosity, plus de 200 jours d'ailleurs, que Curiosity se trouve sur la planète Mars. 200 jours qui ont été extraordinairement remplis avec, vous l'avez vécu hein, sans doute, cet amarcissage, cet atterrissage sur Mars tout à fait étonnant, avec le rover suspendu au-dessus d'une grue elle-même suspendue dans l'air grâce à des rétrofusées, avec une recette au sol, donc des tests qui ont été réalisés pendant plus longtemps que prévu hein, quand même. Hein. Ça a duré 180 jours au lieu de 90 jours, donc beaucoup de tests pour s'assurer que tous les systèmes fonctionnaient comme c'était souhaité. Avec aussi cette découverte de ce site Glenelg, qui se trouve à quelques centaines de mètres du site d'atterrissage, donc Glenelg, où se trouve actuellement le rover, un site absolument passionnant, qui se situe au croisement de trois types de terrains différents. Bref, vous voyez, on n'a pas chômé. Et il reste encore pas mal de kilomètres à franchir pour aller se rendre sur le mont Sharp, ce mont qui se situe au milieu du cratère Gale, où on se trouve actuellement, ce mont Sharp, où on devrait avoir énormément de strates géologiques présentes, qui sont comme une sorte de livre ouvert dans lequel il va être possible de lire l'histoire, enfin du moins on l'espère, lire l'histoire de l'habitabilité de Mars. Bref, une magnifique mission que cette MSL, que cette mission Curiosity, avec plusieurs réussites, plusieurs premières qui ont été réussies. 200 jours, finalement, c'est l'occasion de faire le point. Le point sur les réussites, le point sur les déboires. Il y en a eu, et il y en aura peut-être encore. C'est une incroyable aventure humaine et scientifique qu'on va explorer ce soir avec vous, avec vos questions, parce que dans quelques instants, je vous passe le micro, et vous allez pouvoir discuter directement avec nos trois intervenantes ce soir. Les trois intervenantes ce soir, ce sont des scientifiques, ce sont des chercheurs, ce sont des ingénieurs, ce sont des responsables. Ils ont créé la mission, ils la rendent vivante. C'est grâce à eux qu'on est là aussi ce soir. Est-ce qu'on peut les remercier, s'il vous plaît? C'est Patrice Coll, c'est Éric Lorigny, pardon, c'est Francis Rocard. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut, est-ce que vous voudriez bien vous présenter les uns les autres? Éric Lorigny, prenez le micro, dites-nous qui vous êtes, quelles sont vos fonctions avec ce rover Curiosity et à quelles questions vous pouvez répondre ce soir. Donc moi je viens du sud, de la ville de Toulouse, où il existe un CNES qui a développé un centre d'opération, donc qui opère les instruments. Donc les deux instruments français qu'on va vous parler ce soir, qui sont CamCam et l'instrument SAM. Donc chaque soir, je dirige les équipes qui vont opérer ces deux instruments le soir. Alors voilà, on parlait de première, en voilà une première. Hein. Pour la première fois, il y a des instruments scientifiques sur un rover martien qui sont téléopérés, pilotés, on peut dire, depuis la France, hein, depuis Toulouse. Oui. Exactement, c'est une première en Europe. Première en Europe. Oui. Francis Rocard. Alors moi je suis du CNES également. À la différence d'Éric, qui est un ingénieur, moi je suis un scientifique, il faut faire la différence. Hein. On a tous fait des maths et de la physique, mais à un moment on a un peu divergé. Éric est dans la technique, dans les opérations, dans le rover, dans le véhicule, dans CamCam, SAM. Moi, je suis à la fois la direction des programmes, c'est-à-dire j'étais très actif, surtout au début de l'affaire MSL, qui a démarré en 2004 avec un appel d'offres très compétitif qui n'était pas gagné d'avance, et une immense joie d'avoir deux expériences franco-américaines, donc Ken Kam et Sam. Et donc, mon rôle, c'est de faire en sorte que cette sélection puisse se faire. Donc, il faut donner des garanties à la NASA. Et puis, après, que le projet se monte, c'est-à-dire que le programme, quelque chose de vague, devienne un projet, quelque chose de précis. Ça veut dire que c'est un budget, c'est des personnes, ça va durer un certain temps. Ça, et il y a un début et une fin. La fin, c'est le lancement vers Mars, bien sûr, vous l'avez compris. Donc voilà, mon rôle, c'est de faire en sorte que le programme démarre. Et à partir du moment où le programme démarre, il y a un chef de projet qui n'est pas là, qui est le prédécesseur d'Éric Lorini, qui s'appelle Alain Gaborio, qui lui a suivi le développement de SAM et KemCam de 2004 à 2011, disons. Et Éric a pris le relais pour les opérations. Et votre poste donc au CNES, c'est responsable des programmes d'exploration du système solaire. Voilà, c'est-à-dire pas uniquement Mars, mais tout ce qui tourne autour du Soleil. Ok, et Patrice Colle. Donc bonsoir, donc, je suis, on va dire, universitaire, je suis professeur à l'Université Paris Diderot, donc même si ça fait bien longtemps que je suis sur Paris, je viens aussi du Sud, hein, je tenais à le préciser, Éric. Donc je suis un des responsables de l'expérience SAM, alors on dit souvent expérience SAM, mais en fait c'est pas vraiment une expérience, c'est plutôt un ensemble d'instruments. Et parmi cet ensemble d'instruments, il y a un instrument qui est français, donc un maîtrise d'œuvre française, et dont je suis co-responsable avec Michel Cabane, qui lui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Ok, donc dans quelques instants, je vous l'ai dit, je viens avec à vous, hein, je vous passe le micro et vous allez pouvoir discuter directement, mais je veux quand même essayer de planter un petit peu le décor avec vous, messieurs. On va parler des réussites, on va parler des premières, on va parler d'enthousiasme, on va parler un petit peu des peurs aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là, ces jours derniers, avec Curiosity qui était arrêté, l'ordinateur qui avait buggé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu peur là. C'est Éric Lorini qui s'y colle. Quand ça se passe mal, c'est souvent moi. c'est l'ingénieur, c'est le scientifique. Voilà, d'accord, merci, c'est agréable. Donc, la NASA qui a développé, enfin le JPL et la NASA qui ont développé le rover. Le JPL, c'est le Jet Propulsion Laboratory. Voilà. C'est là où était conçu, voilà. Hein, le rover. Le rover, ouais. Voilà. Donc, ils nous ont pas forcément tout raconté puisque c'est eux qui ont géré l'anomalie qui s'est passée. Donc, effectivement, au sol 200, donc il y a à peu près 32 jours. Le sol, donc c'est le sol, c'est un jour martien. Voilà, nous, donc le 200e jour martien, c'est voilà, le sol. Ouais. Voilà, au 200e jour martien depuis le 6 août, l'atterrissage, il s'est passé un phénomène, on pense, au niveau des radiations. Il y a des ions lourds qui ont percuté une mémoire vive. Ça vient du soleil, des rayonnements du soleil qui arrivent et qui bombardent, comme Mars a très peu d'atmosphère, et qui bombardent de plein fouet la planète Mars. Donc il y en a pas mal, des radiations, et là il y a des ions particulièrement lourds qui ont percuté au mauvais moment la mémoire et qui a créé un problème au niveau de la mémoire. Alors le JPL a pas mal travaillé dessus pour écrire et lire dans la mémoire de façon à réactiver la mémoire. Donc ils ont récupéré la mémoire intégralement après leur test. Et ils ont choisi, comme il y a deux voies en fait sur le rover, il y a la voie qu'on appelle nominale, c'est-à-dire comme s'il y avait deux ordinateurs à bord. Comme le premier avait planté, ils ont démarré sur le second, ce qu'on appelle le redondant. Et donc à partir du redondant, ils ont fait des tests sur le premier. Et voilà. Donc maintenant, actuellement, c'est la voie B, donc la voie redondante, qui est devenue le nominal. Et la voie nominale. Qui va rester. Hein. Et qui va rester. Ça va devenir l'ordinateur de base. À partir du moment où la mémoire a été un petit peu touchée, on préfère le garder en backup et travailler sur la voie B. Ça dure combien de temps, ça, Francis Rocard, cette anomalie? Non, je voudrais préciser que c'est une anomalie qui s'est avérée pas très inquiétante. Je veux dire par là que Spirit a eu une anomalie du même type extrêmement problématique, puisqu'il n'y avait qu'un. Spirit, c'est l'un des deux rovers qui sont arrivés, qui font 180 kilos, Curiosity fait 900 kilos. Donc c'est des petits poids légers qui se sont posés début 2004. Spirit le premier, Opportunity le deuxième, trois semaines plus tard. Et un jour, il y a eu un bug informatique sur le calculateur. Simplement, là, il n'y avait pas de calculateur de secours. Et imaginez votre portable Windows qui reboot en permanence. Quand vous êtes à 500 millions ou 300 millions de kilomètres, on peut se dire c'est mort. C'est mort, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. eh ben, ils ont réussi à sauver la situation. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des centaines de fois l'ordre « arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi » jusqu'à ce que l'ordre arrive au bon moment où il a entendu l'ordre « arrête-toi » au lieu de rebooter. Parce que lui, il essayait de redémarrer à chaque fois. Windows qui redémarre en permanence. Et après des centaines d'essais, ça a enfin marché. Et donc, ils ont sauvé Spirit alors qu'on a cru vraiment que Spirit allait être perdu pour une bêtise informatique, quoi. Et là, on avait un ordinateur en backup, hein, de rechange avec Curiosity. Donc, évidemment, ça change beaucoup de choses. La recette a pris plus de temps que prévu aussi. On prend ses précautions avec Curiosity. Là, c'est une belle machine. On se dit aussi qu'on a du temps, qu'on a des années devant nous. Patrice Cole. Oui, comme j'aime le dire, on va dire le temps n'est pas un driver sur cette mission. C'est pas quelque chose qui contrôle la mission. Alors, ça, c'est une vision, on va dire, de scientifique. On parlait justement d'ingénieurs et scientifiques. Les ingénieurs veulent, eux, acquérir, c'est leur travail, un maximum de données assez vite, en se disant que, de toute façon, à un moment, les scientifiques se serviront de ces données. Là, on va dire, quand même, on a le sentiment, et j'y reviendrai notamment quand on parlera un peu du fonctionnement de SAM, qu'on est un peu plus comme dans un travail de laboratoire, pour ce qui nous concerne. Donc, on a le temps. Et comme on a le temps, bah oui, on va dire les trois premiers six, ou jusqu'à même les six premiers mois de l'exploration ont été surtout dédiés à la mise en place, à la mise en route de tous les instruments, tous les tests, également tous les outils. Il y a une grande panoplie d'outils sur cette, de sous-systèmes sur cette plateforme instrumentale. Et évidemment, il y a des résultats qui ont découlé, puisqu'évidemment, on est sur Mars. Donc, quand on teste des outils, ou si on prend une photo, par exemple, avec une caméra, évidemment, que ce qu'on prend, c'est une photo de Mars. Même si, au départ, le but est avant tout de tester la caméra, ou de faire des réglages, etc. Et c'est valable pour tous les outils. Il a fallu 6 mois pour tout régler ? On a pris en main l'appareil. Il y a beaucoup de choses, hein. Et on a en fait une capacité à faire fonctionner les instruments qui est quand même limitée, c'est-à-dire que on fonctionne à l'échelle de la journée, enfin de la journée martienne. Et même si tous les jours, on envoie finalement, on va dire, son travail journalier au rover, tous les jours, on lui envoie finalement ses devoirs à faire pour le lendemain. Pendant ce temps, on va dormir quelques heures. Et ensuite, le lendemain, il nous envoie finalement les résultats de son travail. Et pendant environ un processus qui prend 16 heures, les équipes d'ingénieurs et de scientifiques analysent ces données, essentiellement pour reprogrammer, pour définir quel va être le travail du rover du lendemain, puisque le travail, ça peut être rouler, ça peut être creuser, ça peut être faire telle analyse, ça peut être prendre telle mosaïque d'images, ça peut être au contraire transmettre uniquement des données parce qu'il y a beaucoup de données en retard. Et donc ce que je disais, c'est que il faut bien comprendre que le temps est aussi lié au fait qu'on ne peut pas tout faire en un seul instant, ne serait-ce que par la capacité à transmettre des instructions. On ne peut pas lui envoyer une liste de devoirs supérieure à la capacité de transmission. On a aussi une énergie disponible qui est quand même limitée à l'échelle de la journée, même si on est avec des ressources nucléaires, on ne peut pas faire activer toutes les caméras, tous les instruments. Par exemple, dans le cadre de SAM, qui est l'instrument sur lequel je travaille, globalement, quand SAM est en route, rien d'autre ne fonctionne, parce qu'on utilise toute l'énergie. Quand SAM fonctionne, rien d'autre ne fonctionne, parce que vous utilisez toute l'énergie. Toute l'énergie disponible. Oui, c'est un gros instrument, hein. SAM, c'est 20 kilos hein, sur les 70 kilos d'instruments qu'il y a en tout. C'est même plutôt 40. 40, oui. Donc en fait, pour donner une dimension, c'est la taille d'un four à micro-ondes. Alors je reprenais cette image jusqu'à me rendre compte que les fours à micro-ondes aux États-Unis faisaient à peu près le double de nos fours à micro-ondes. Donc c'est des très gros fours à micro-ondes. Et par contre, quand on dit 40 kilos, on imagine bien qu'effectivement, c'est loin d'être du vide et qu'on a un ensemble de composants, de tubes, etc. C'est assez dense à son sein. Non, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à partir du moment où on est sur Mars, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc finalement, dès qu'on a quitté la zone polluée, qui est la zone brune sur cette image... Alors on va regarder l'image là, on va vous a laissé quelques petites images sur vos tables, et vous pouvez prendre cette image là, vous savez, c'est là où il y a écrit Bradbury Landing, où on voit effectivement des traits blancs à la surface de Mars, donc vous devez les avoir là. Alors qu'est-ce que c'est cet endroit pollué ? C'est quoi l'endroit pollué ? C'est ce qui est... C'est la tache bleue qui s'appelle donc le site a été baptisé Bradbury. C'est pas un site officiel de l'Union Astronomique Internationale, mais pour les sites locaux, on s'en contente. Et donc toute la partie bleue a été soufflée par les rétrofusées, qui sont des moteurs chimiques à base d'hydrazine. Et donc qui ont pollué toute une région de plusieurs centaines de mètres carrés. Alors polluer, il ne faut pas se faire peur non plus, c'est de la suie. Hydrazine. Hydrazine, c'est un produit qui vous donne des tas de molécules chimiques que SAM analyserait aisément et qui ne nous intéresse pas du tout, qui pourrait en plus polluer les colonnes de chromato de SAM. Donc le but, c'est surtout de sortir de cette zone polluée pour commencer à analyser. D'accord. Et alors, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle un fan, enfin, c'est ce que utilisent les Américains. On le savait depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a une zone qui est un déversoir de la pente du cratère Gale. Et donc ce qu'on appelle un fan, c'est-à-dire une zone où manifestement l'eau a dévalé et ensuite s'est étalée pour former un espèce d'épouvante, enfin, qu'on appelle ça un éventail. Voilà, ça, fan, ça a la forme d'un éventail et depuis un endroit où l'eau est arrivée qui est en amont du flanc du cratère, c'est-à-dire au nord de la photo. Et donc là où le rover s'est positionné, ce qu'ils appellent Glenel, qui est un palindrome. C'est un palindrome, c'est-à-dire que ça se lit dans les deux sens. G-L-E-N-E-L-G se lit dans les deux sens. Pourquoi ? Parce que le but, c'était d'y aller et ensuite de faire marche arrière. Donc on y allait dans un sens, on repartait dans l'autre sens. Et quel est l'intérêt de Glenelg ? C'est qu'on est à la croisée de trois types de terrains. Ouais. Et ça se voit sur l'image. Vous avez le terrain poussiéreux à gauche, un terrain... Qui est un peu marron. Un terrain... mais là, peut-être Patrice, peut-être commenter, tu le sais mieux que moi. Donc il y a le terrain de la partie nord... Qui est plutôt blanc. Et le terrain qui est en bas à droite. Qui est plutôt grisâtre. Voilà. Et donc la partie déversoir de rivière se situe plutôt sur la partie claire. Et à partir du moment où on sait qu'il y a eu de l'eau, et en plus on a trouvé les argiles, donc on est très très excité, le rover s'y intéresse beaucoup. Et je dirais, on va au bout des choses. On ne va pas interrompre au milieu une analyse en disant, on ne sait pas très bien interpréter. Si le scientifique dit, non, il me faut une année supplémentaire pour que j'arrive vraiment à interpréter quelle est cette région. Une année ou un jour ? Non, un jour. Ah bon ? Non, SAM, c'est plutôt un mois. D'accord. Quand SAM demande un trou et un échantillon, c'est typiquement un mois. Donc, et en gros, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il faut un mois quand vous demandez de faire un petit trou avec la petite foreuse. Hein, ça aussi, c'est une première. Hein. Je crois qu'il s'en est fait sur la Lune, mais il s'en est pas fait ailleurs. Hein, donc, c'est quasiment une première. Il faut un mois quand vous souhaitez faire un trou, une analyse avec SAM. Un mois, on va dire, c'est pour un ensemble d'analyses qui est vraiment très poussé. Par contre, il nous faut quelques jours martiens à minima. Là, justement, sur l'illustration, où on voit un peu les instruments qui sont à bord du rover. Donc c'est une autre illustration. Vous voyez l'écorché de Curiosity. Hein, vous pouvez prendre... Donc, il y a une douzaine d'instruments scientifiques et une vingtaine de caméras, la plupart servant pour la navigation et certaines étant des caméras scientifiques. On peut dire, sans offense à certains collègues, qu'il y a quatre instruments qui sont assez centraux à bord, qui sont... Les deux instruments qu'on voit en haut du mât, ChemCam et MassCam, donc la caméra scientifique, une autre expérience française dont on parlera, enfin la contribution française dont on parlera probablement par la suite, et puis SAM et Kemin, qui sont dans le ventre du rover, donc dans ce qu'on appelle le laboratoire analytique, c'est-à-dire qu'on transporte un vrai laboratoire, au sein duquel on a une capacité analytique... Assez importante, où on peut analyser aussi bien les minéraux que la matière organique, analyser la composition et les abondances de tout ce qui peut se trouver dans un échantillon de sol ou d'atmosphère. Voilà, parce qu'on parlait juste de la durée, hein, une séquence de ChemCam en moyenne, ça va durer 5 minutes. Hein, ça peut pas être alors, ChemCam, c'est ce qui est en haut du mât. Hein, donc ça veut dire que si vous avez par exemple 2 heures de... Vous pouvez programmer aujourd'hui 2 heures d'instrumentation scientifique, vous pouvez imaginer programmer... 24 analyses par ChemCam, par exemple. Alors qu'une séquence de SAM, la séquence minimale de SAM, va représenter 2 à 3 jours d'observation scientifique. Donc, on peut s'arrêter d'une seconde sur SAM. C'est quoi, SAM ? Il y a 80 réceptacles, on va dire. Alors, SAM, récupérer de la matière. SAM, déjà, je vous l'ai dit, c'est un ensemble d'instruments. On peut peut-être partir du nom. Ça veut dire Sample Analysis at Mars. Alors, c'est un peu mieux en anglais. En français, c'est beaucoup moins sexy. Ça veut dire analyse d'échantillons de Mars. Donc, c'est à la fois, c'est très clair. Et ces échantillons, c'est donc des échantillons d'atmosphère ou des échantillons de sol. La seule particularité analytique de cet ensemble d'instruments, c'est d'analyser uniquement du gaz. Donc évidemment, quand je parle d'analyse d'atmosphère, on se dit, bon, bah, très bien, c'est un instrument qui est capable d'analyser les gaz, donc il analyse un échantillon d'atmosphère. Par contre, lorsqu'on prélève un échantillon de sol, il faut donc le convertir en gaz. Et il y a deux manières principales de convertir cet échantillon de sol en gaz. C'est soit de faire un traitement thermique, c'est-à-dire de chauffer ces échantillons afin que notamment les parties volatiles passent en phase gazeuse, soit on va dire de faire un peu de la cuisine, on va dire de la chimie, et donc de faire de la réactivité chimique qui va permettre à certains composés, même éventuellement réfractaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de capacité naturelle à passer sous forme gazeuse, à passer en phase gazeuse et à être analysés par ce système analytique. Donc chimique, ça veut dire que vous avez des petits réactifs, des petits produits à l'intérieur de SAM. Vous êtes capable de les projeter, si je puis dire, de les mettre en contact avec l'échantillon pour que spontanément se dégagent des gaz hein, que vous allez pouvoir analyser voilà, et interpréter. Par exemple, par rapport à de la cuisine, la chimie qu'on va faire, on va dire, en Bécher, que peut-être la plupart des gens ont appréhendé au lycée ou ailleurs, là, on est vraiment sur des micros, des nanovolumes, et donc c'est plutôt une mise en contact intime de vraiment micro-quantités de réactifs avec ces micro-échantillons de sol martien. Donc quelque part, on est presque à la micro-mécanique là, dans ces façons de mettre tous ces réactifs en présence. Et donc à l'intérieur, il y a un spectromètre de masse, il y a un chromatographe en phase gazeuse, et puis il y a aussi un système laser hein, d'analyse des échantillons. Voilà, il y a trois instruments principaux. Un qu'on peut mettre... pas complètement à part, mais qui est essentiellement dédié à la mesure de l'atmosphère, avec des canaux dédiés, notamment la recherche du... Non, c'est le ce qu'on appelle le TLS, pour Tunable Laser Spectrometer. C'est un instrument qui a été fait par le JPL et qui analyse sur des canaux dédiés, notamment la composition isotopique de l'eau, du CO2, et qui est capable d'analyser également des faibles teneurs de méthane. Alors j'ai dit... quasiment exclusivement utilisé pour la mesure d'échantillons atmosphériques, c'est pas tout à fait vrai. Il peut aussi intervenir en bout de chaîne d'analyse sur des échantillons de sol qui sont également analysés. Mais par contre, le cœur de l'analyse au niveau du sol, ça va être des analyses par le spectromètre de masse, qui est un gros spectromètre de masse américain fait par un centre NASA qui est le Goddard, qui est sur la côte est, près de Washington. Et où sur certaines, on va dire, sur certains échantillons dédiés, on utilise le GC, donc qui est l'instrument français dont je suis co-responsable. Et cet instrument, le GC, c'est le chromatographe hein, en phase gazeuse. Voilà. Et un chromatographe, ça a pour but de séparer en fait les constituants d'un mélange, quel que soit son mode de fonctionnement. Et là, ce qu'on observe depuis le début des analyses, c'est effectivement que comme ce qu'on cherche, ce sont vraiment notamment des traces de matière organique, des toutes petites quantités de matière organique. Ben, c'est très délicat. C'est la matière qui a pu entrer dans la composition d'êtres vivants ou qui a pu être produite par des êtres vivants. Quand on te dit de la matière organique, c'est des longues chaînes carbonées. Ça peut, mais voilà. Ça peut être aussi des courtes chaînes carbonées qui ont été uniquement formées par des processus, on va dire, géologiques, voire même des apports de matière micrométéoritique. Donc par exemple, pour... s'intéresser à la matière organique sur Mars, c'est par exemple sans aucune voie exotique de fabrication de matière organique par du vivant, de la chimie prébiotique ou de l'activité géologique. C'est juste voir la matière carbonique qui tombe quotidiennement avec les micrométéorites à la surface de Mars, ce qu'elle devient et où on peut la trouver. Actuellement, on n'a pas de réponse à cette question. Pas de réponse, voilà. Et donc, c'est par exemple une des premières quêtes. Suivez la matière carbonée, suivez la matière organique, ça serait intéressant. Est-ce qu'on peut s'interrompre pour... J'ai envie de vous poser une petite question à ceux qui souhaitent répondre. Pour vous, qu'est-ce que c'est la plus jolie découverte? Alors, il n'y a pas... On ne va pas mettre un immense suspense ce soir. Il n'y a pas des immenses découvertes qui ont été encore réalisées avec Curiosity, sinon on en aurait entendu parler, mais il y a des... chose intéressante quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, vous, par exemple, Patrice Colle? Ah ben déjà, on l'a dit, hein, les premiers mois ont été... Celle qui vous a... Ben c'est de dire qu'on est, bien arrivé sur le site où on souhaitait aller, c'est-à-dire un site voilà, où il y avait... Oui, pas en termes de technologie d'atterrissage, mais en termes de... On voulait aller, comme l'a dit Francis, dans un bassin alluvière où... de l'eau avait pu couler de façon pérenne et c'est quelque chose qu'on a réussi à démontrer depuis le début de la mission. Et on a trouvé de l'eau, hein. Enfin on n'a pas trouvé l'eau elle-même, mais on a trouvé ce qui semble être un lit de rivière avec des graviers hein, qui ont les bords un peu arrondis, donc ils ont roulé. Hein, on a même été capable de déterminer la vitesse, le débit hein, de la rivière. Voilà, elle faisait peut-être un mètre de profondeur. Quelques dizaines de centimètres à un mètre avec des débits de quelques mètres par seconde et ça c'est parce qu'on a trouvé effectivement ces structures en... On appelle poulingue. Hein. Moi, je pensais, en tant que sudiste, justement, que comme je ne suis pas géologue, que c'était un mot du sud. En fait, non, pas du tout. C'est le vrai terme en français pour désigner justement ces agrégats qui sont formés lors de transport de matière rocheuse dans des lits de rivière. En fait. Francis Rocard, la ce qui vous a le plus marqué, là, comme du point de vue scientifique, là, dans ce qui a été trouvé. Alors, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'attentes sur ce que Curiosity va trouver, et je dirais, on n'a pas encore trouvé ce qu'on cherche le plus. Patrice en a parlé longuement, c'est cette fameuse matière organique. Il faut savoir que aujourd'hui, le carbone qu'on trouve sur Mars, il est uniquement sous forme de CO2. Et on n'a rien d'autre. Quand on dit de la matière organique, c'est de la matière avec du carbone à l'intérieur. Hein. Et on n'est pas prétentieux. Hein. C'est-à-dire ? Du carbone. Oui, d'accord. Non, mais après, CH4, c'est de la matière organique. C'est de H6, c'est de la matière... Bon, un C, 2C, 3C, une chaîne carbonée... On a du méthane, on serait content. CH4, c'est une petite... Déjà, le méthane est très important. On serait heureux. Alors, on a beaucoup parlé du méthane, on a dit qu'on avait trouvé du méthane. Mais depuis l'espace, hein, pas avec Curiosity. Depuis l'espace, oui. Curiosity, il y a eu des rumeurs, mais en fait, elles n'ont pas été confirmées. Donc, Curiosity n'a pas trouvé de méthane. Mais le méthane martien, on peut dire aujourd'hui, n'est pas réellement confirmé. Alors, pourquoi il est important, le méthane ? Pour diverses raisons. D'abord, parce que dans la version la plus ambitieuse et la plus optimiste, il pourrait être produit par des bactéries méthanogènes, comme celles qui existent dans l'œsophage des vaches. Donc des bactéries vivantes aujourd'hui sur Mars qui pourraient... Ça, c'est la version la plus optimiste. On est au conditionnel. Oui, oui. En fait, il y a également des réactions dites abiotiques, c'est-à-dire purement géologiques. C'est la réaction de serpentinisation, c'est-à-dire que ça serait la preuve qu'il y aurait des zones chaudes sur Mars, en profondeur, et que vous avez une réaction de catalyse sur une roche chaude de CO2 en présence d'eau à très très, très, très, très haute température. Ça fabrique du méthane. La bonne nouvelle, c'est qu'on aurait des zones très chaudes. En profondeur. Si vous vous éloignez un petit peu de ces zones très chaudes, vous avez des niches écologiques. C'est-à-dire des zones où on aurait de l'eau, une température entre 0 et 100 degrés, de l'eau qui pourrait être liquide, en profondeur, et des petites bactéries qui barbotent. Donc vous voyez, c'est indirect. Mais même l'aspect méthane purement géologique est très intéressant parce que, indirectement, ça veut dire que localement, il y a des zones chaudes en profondeur. Pour l'instant, on n'a aucune preuve. On a cherché des points chauds, on n'a rien trouvé. Aucun spectro-infrarouge thermique n'a détecté la moindre élévation de température. Donc, on ne sait pas comment sont les volcans, même si on peut se dire qu'on sait que les volcans, certains ont craché il y a 1 million d'années, c'est-à-dire hier. Donc, le méthane n'est pas sûr. Alors, après, troisième possibilité, c'est qu'ils viennent d'une comète. Alors, je fais une parenthèse, vous savez qu'il y a une comète qui va frôler Mars en octobre prochain. Et actuellement, la barre d'incertitude semble indiquer que la comète pourrait percuter Mars. Ça serait très intéressant. D'une part, le cratère. D'autre part, les émanations de la comète. On a prétendu que le méthane sur Mars pouvait venir d'une comète qui se serait crachée. Mais on l'aurait vu par ailleurs. Donc, comme on l'a jamais vu, personne ne croit à cette comète. Ça, c'est pour la parenthèse. Et c'est pour un événement qui devrait avoir lieu, je crois, vers la fin de l'année 2013. Donc on cherche des molécules carbonées, même du méthane, on serait heureux, on a compris pourquoi. Et on n'a rien. Voilà, d'accord. Alors, il y a quand même des argiles. Le plus beau résultat de curiosité, pour répondre à votre question, c'est le fait d'avoir foré à 6 cm de profondeur. Ça, c'est un résultat technologique. Le résultat scientifique, c'est que le matériau est plutôt gris-vert, à l'inverse du matériau rouge-orangé de Mars, général. Et ça a été la preuve pour les initiés que le matériau n'était pas oxydé. Et c'est très important. Le sol de Mars est très oxydant et très oxydé. Or, c'est un milieu qui n'est absolument pas favorable. Si vous mettez des molécules organiques, elles vont devenir du CO2 tout de suite. Ce qui est oxydant détruit finalement les molécules carbonées, donc... Voilà, on fabrique du CO2 qui est une espèce d'impasse dans la chimie. Le CO2 est une molécule ultra stable. Dès que vous allez fabriquer le CO2, il ne se passe plus rien. Donc toute la chimie organique est bloquée dès qu'on arrive vers le CO2. Donc ce qu'il faut, c'est... pourrait donner lieu à des formes de... Voilà, à des chaînes carbonées, des cycles de carbone, des protéines, tout ce que vous voulez, pour fabriquer la vie. Donc il faut la complexité de la chimie du carbone. C'est là où Sam est déterminant. Donc ce qui est intéressant, c'est que le sol n'est pas oxydé. Bon, la déception, c'est qu'on n'a pas trouvé de molécules. À l'intérieur, c'est pas oxydé. C'est pas oxydé. C'est important pour ça, c'est très important. D'accord. Ok. Eric Lorigny. Alors, moi j'ai mon côté rebelle et mon côté ingénieur, donc je vais pas vous parler des découvertes scientifiques. Ce qui m'a le plus marqué, outre l'atterrissage, ou l'amortissage, mais je préfère le mot d'atterrissage, c'était vraiment une prouesse technologique et technique de centaines d'ingénieurs qui ont travaillé sur un système qui est quand même révolutionnaire. Et c'est une prouesse quand même de faire atterrir un rover de plus de 900 kg sur une planète comme ça. Et aussi, c'est que chaque soir, on a 10 instruments à programmer, à mettre en musique, à planifier. Et partout dans le monde, il y a des gens qui travaillent chaque soir pour qu'il y ait les programmations. Et c'est difficile de faire cohabiter tout le monde, que tous les scientifiques soient d'accord sur les objectifs du lendemain. Ils sont des centaines. Et, voilà, ils sont vraiment des centaines. Et il faut savoir que chaque soir, ça discute pour ce qu'on va faire le lendemain, etc. Et c'est pas facile avec une centaine de pilotes d'avoir à la fin un seul rover. Et c'est un vrai défi humain et un vrai défi technique. Et c'est assez admirable. Il faut savoir que par rapport aux deux autres Spirit et Opportunity qui avaient des charges utiles de l'ordre de 6 ou 7 kilos, donc les instruments scientifiques. Voilà, les instruments scientifiques. Scientifiques. Voilà, là on est quand même à près de 80 kilos, donc plus de 10 fois plus. Et donc en complexité, c'est largement plus de 10 fois plus complexe. Donc c'est vraiment difficile, chaque soir c'est un vrai challenge à programmer au niveau des scientifiques et tout pour se mettre d'accord. J'ai l'impression que c'est absolument épuisant. Là on rentre dans la partie un peu témoignage, oui, donc effectivement déjà l'organisation du projet se fait un peu sous forme de club, c'est-à-dire que finalement il y a eu une sélection des membres de l'équipe scientifique. Donc finalement, la sélection, on peut dire, elle a été importante ou pas. Mais en gros, on va dire, la moitié des gens qui travaillent sur Mars, sur Terre, font partie de l'équipe. Ça représente 300-400 personnes sur peut-être un petit millier de scientifiques assez spécialistes de Mars. Et donc, on fonctionne un peu en vase clos. Donc au début, ça a été vraiment très, très facile à ressentir, puisque la plupart de l'équipe était pendant 6 mois en Californie, dans des bâtiments dédiés pour procéder à ces opérations journalières vraiment en vase clos, voilà, avec essentiellement des Américains et puis quelques Français, quelques Espagnols, quelques Russes. Enfin, c'est quand même une mission américaine, ça s'est très très bien senti. Et ensuite, mi-novembre, on est arrivé au moment où il fallait où tout le monde repartait vers ses institutions d'origine, donc la plupart vers les États-Unis et puis beaucoup, quelques-uns aussi en Europe. Et où il a fallu définir, une des premières décisions, c'était à quelle heure on allait travailler à l'échelle de la journée, puisque avant on était sur des heures martiennes. Alors comme on était en vase clos, on s'occupait pas mal de nous, etc., finalement il y a un moment où on est dans une vie un peu, on va dire, spéciale. Vous étiez aux États-Unis, là, donc voilà, vous étiez organisé. On allait au travail, donc le premier jour c'était à minuit, le deuxième jour c'était à 23h20, et ainsi de suite. Et on voit toute la journée de Los Angeles défiler. Voilà, vous avez un petit décalage chaque jour, puisque l'heure, vous viviez à l'heure martienne, et donc le jour martien dure 20 minutes de plus que 40 minutes, d'accord, de plus que le jour terrestre. Mais le principe reste le même. Et ensuite, on a défini des heures, une fois que tout le monde est retourné dans ses institutions, des heures fixes, quasiment à l'échelle de la journée, qui, on va dire, sont plutôt centrées sur les heures de la journée en Californie. C'est-à-dire que, notamment quand on est au FIMOC, là où Éric Lurigny héberge les opérations des deux instruments français, nos journées de travail commencent vers 4-5 heures de l'après-midi et finissent souvent vers 2-3-4 heures du matin. Et ça, c'est notre quotidien, surtout quand on est en charge de gérer l'instrument, que ça soit pour les deux instruments français, en fait, ont la responsabilité de gérer l'instrument, on va dire, de l'ordre d'une semaine à 10 jours par mois. Le reste du temps, c'est l'équipe américaine qui les gère. Donc on a plusieurs deux scientifiques. J'ai utilisé un mot, vous ne l'avez pas repris, j'ai utilisé le mot épuisant. Parce que justement, je suis épuisé, c'est pour ça que je ne l'ai pas repris, parce que j'avais du mal à maintenir mon attention. Parce que j'ai échangé avec vous. Et c'est le cas, effectivement. Il y a eu des passages très délicats. Moi, là où j'ai vu qu'on le sentait vraiment au niveau de l'équipe, c'est quand on est arrivé à la période entre Noël et le jour de l'an. Ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, cette période a été habilement sélectionnée, j'imagine, par les responsables du projet pour faire beaucoup de téléchargements de données qui commençaient à s'accumuler sur le rover, parce que justement on ne peut pas ramener autant de données qu'on veut à l'échelle de chaque jour. Et donc l'idée, ça a été un peu de mettre les opérations en veille pendant 8 à 10 jours, histoire aussi pour tout le monde de retrouver, de passer du temps avec les familles qui avaient été quelque peu éprouvées. Et là où vraiment on a senti que les équipes étaient fatiguées, c'était au moment de la reprise. Parce qu'au moment de la reprise, en fait, on était sortis de cette espèce de drogue quotidienne, de ce challenge quotidien. Et personnellement, comme d'autres, en fait, on a dit « Ouais, bon, on va y retourner, oui, bon, on verra demain. » Et en fait, il y a eu une, notamment une... Il y a des réunions scientifiques qui ont lieu tous les jours, donc par téléconférence. Et en gros, l'assistance était moindre les jours après cette période d'arrêt, parce que les gens avaient du mal à remettre le pied à l'étrier, en fait. Donc on voyait bien que les gens étaient forcément épuisés, puisqu'on imagine bien que la passion était toujours là, mais c'était vraiment une question d'épuisement. Bon, dans quelques instants, je viens à vous, hein, mais peut-être une dernière question quand même, Eric Lorigny. Vous êtes le patron de ce FIMOC. Ça ressemble à quoi, le FIMOC? Donc c'est le centre d'opération, c'est une première, hein, on l'a dit. Depuis la France, on pilote SAM et KemCam. Ça ressemble à quoi, si je venais vous rendre visite, ça ressemblerait à quoi? Alors, souvent, on nous reproche qu'il n'y ait pas des joysticks et des choses comme ça. En fait, c'est une salle avec des ordinateurs, donc assez classique, avec beaucoup d'horloges, parce qu'il y a pas mal d'heures à suivre. Quelle heure américaine, l'heure martienne? Surtout l'heure martienne, l'heure américaine. Vous avez trouvé des horloges qui fonctionnent sur un pas de temps de 24h40. Il y a des horloges, vous pouvez aller sur Internet, il y a Mars 24 qui donne l'heure. Très bien. Et voilà. Mais donc, c'est une salle avec des ordinateurs dans lesquels des gens travaillent. Et donc, on récupère des photos en temps réel, de la veille, de la vue du rover. Et à partir de là, les scientifiques pointent sur des cailloux, des cibles qu'on appelle. Et après, on fait la programmation des instruments pour tirer à ces endroits, si on s'occupe de KemCam ou de prélever des échantillons sur ce qu'on est sur ça. KemCam tire, hein. Il faut s'arrêter juste un mot sur KemCam. Donc c'est cet instrument en grande partie français. L'idée, c'est de tirer un laser et à plusieurs mètres de distance, à 7 mètres de distance, on est capable de connaître, de déterminer la nature. Alors c'est un peu schématique, hein, c'est pas extraordinairement fin, mais quand même la nature d'une roche. Oui, c'est-à-dire que voilà, on arrive en tirant le plasma qui est émis. Le gaz chaud émis. Qui se produit à l'endroit de l'impact. Voilà, ça crée une lumière et cette lumière est récupérée par les spectros. Et les spectros, ils analysent avec des pics les éléments essentiels qu'il y a à l'intérieur. On arrive à voir s'il y a de l'aluminium, s'il y a du silicium, etc. Et après, c'est aux scientifiques, à partir de ce rébus, d'essayer de trouver quelle est la nature de la roche. Raphaël, tu as quelque chose à nous dire? Tout à l'heure, j'ai entendu le terme amarcissage. Ça existe vraiment? Pas dans le dictionnaire, mais dans le dictionnaire. On l'écrit avec des guillemets. Bon, ben je propose quand même une chanson sur l'amarcissage. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, même si le mot n'existe pas. Dans le journal de Paul Amar, on est content et on se marre. On a largué les amarres et c'est la fête qui démarre. C'était un bel amarcissage. Évidemment, vous pouvez reprendre avec moi le refrain, bien sûr. On a bien cru au cauchemar quand on a vu que la mémoire était plongée dans le noir. Mais finalement, tout est peinard. Avait dit à ce petit robot canard, oui, parce que ça ressemble un peu à un canard, mais c'était pour la rime, quoi. Avait dit à ce petit robot canard contre les radiations de bien mettre son damar. Et c'était un bel amar, c'était un bel amar, c'était un bel amar, si sage. Oh oui, c'était un bel amar, c'était un bel amar, c'était un bel amar. C'était un bel amas, allez tous ensemble. C'était un bel amas, c'était un bel amas, c'est ça. Oh oui. Il fallait le faire quand même, faire rimer amar, amarcissage, damar, mémoire, pas mal. Sachant que, excusez-moi, je l'ai dit un peu vite, mais Eric a utilisé un mot qu'il n'aurait jamais dû utiliser, amarcissage, on ne l'utilise jamais. Jamais. On allunit. On allunit. Et on atterrit partout ailleurs. D'accord. C'est un mot tellement laid que... On a l'uni, c'est vrai que sur la ville, ça marche bien. D'accord. Sinon, on a tiré. Alors voilà, je viens à vous, je vous passe le micro. Qui voudrait s'exprimer, poser ses questions? Personne de ce côté-là? Ah, si, madame. Comment vous faites, à des millions de kilomètres de là, Curiosity reçoive vos ordres? Je ne comprends pas comment ça peut se faire. Oui, on a oublié de vous dire une chose. C'est vrai qu'on aurait dû le dire depuis le début. En fait, on ne parle pas au rover. On aurait pu, mais cette fonction n'est pas activée actuellement. On parle à des satellites en orbite autour de Mars, Mars Reconnaissance Orbiter, surtout Mars Odyssée, j'imagine. Et ces satellites recueillent ce qu'on appelle les télécommandes, c'est-à-dire les commandes que nous envoyons par onde radio. Et quand ce satellite passe au-dessus de Curiosity, Curiosity, il a une antenne qui dit « Coucou, je suis là, coucou, je suis là, coucou, je suis là ». Et dès que Mars Odyssée entend « Coucou, je suis là », il envoie la télécommande. Et à ce moment-là, la télécommande arrive effectivement à Curiosity, et c'est toute une série de télécommandes, tout ça est très complexe. Mais les télécommandes sont datées, et après tu me corriges si je dis des bêtises, mais en gros, datées en fonction d'une horloge, et dès que l'horloge indique que l'heure a sonné, à ce moment-là, la commande s'enclenche et devient une action. Curiosity exécute la commande. Ça peut être je bouge mon bras, ça peut être je tire sur une roche, ça peut être je fore le sol, ou ça peut être je me déplace vers le nord, vers le sud. Après, vous me demanderez comment on trouve le nord. Donc, c'est bien des ondes radio, bien sûr. Hein, dans le vide, ça circule à 300 000 km/s, donc ça va relativement vite. Il faut quelques minutes quand même hein, pour envoyer de l'ordre jusqu'aux satellites qui eux-mêmes vont répercuter l'ordre jusqu'au rover. Oui, c'est de l'ordre de quelques minutes, hein, effectivement. Ça varie des dispositions des planètes. Là, on est au plus loin, puisque la planète Mars est en opposition avec la Terre et, par rapport au Soleil. Donc là, on est à plutôt de l'ordre de 25 minutes. Donc là, en ce moment, Mars est en train de se trouver de l'autre côté du Soleil par rapport à nous. Hein. Exactement. C'est pour ça que du 4 avril, donc après-demain jusqu'au 1er mai, il n'y aura plus du tout d'opération sur Mars, que ce soit sur Spirit, que ce soit pour Opportunity, que ce soit aussi sur MSL. À partir du 4 avril, on ne peut plus communiquer avec les rovers qui sont sur Mars, ni avec les satellites d'ailleurs, je suppose. Exactement. Parce que tout simplement, Mars se trouve de l'autre côté du Soleil. Voilà, il faudrait pousser le Soleil et c'est compliqué. Patrice Cole, ça va vous faire des vacances alors? Mais tout le monde nous dit ça, donc on va commencer par y croire. Mais non, on va peut-être justement profiter pour se poser un peu et analyser les données qu'on essaye d'analyser au niveau décisionnel tous les jours, mais il y a plein de données qui ne sont pas décisionnelles, c'est-à-dire qui ne permettent pas de fixer, qui n'ont pas pour importance de fixer le programme du lendemain, qu'on laisse un petit peu de côté, on va dire des vraies données scientifiques. Et donc là, il y a beaucoup de rendez-vous de l'équipe justement pour traiter ces données. Alors, qui voudrait continuer à discuter avec les intervenants, monsieur? Oui, je voudrais pas vous embêter là, mais j'ai de la curiosité pour Curiosity. Et il y a un compagnon de Sam qui s'appelle Kémine, qui est, je crois, à base de diffraction de rayons X et fluorescence. Je voudrais savoir si ça marche, comment ça marche, un peu plus en détail, et puis si ça a déjà apporté quelques résultats intéressants. Alors, Kémine, c'est effectivement, c'était la spécialité d'Hubert Curien, qui a été président du CNES et ministre de la Recherche. Il était spécialisé dans la diffraction cristallographique. Donc, en fait, on travaille sur des poudres, et d'où le principe que le forage ne fore pas une carotte. Au début, les premiers designs de Curiosity, on forait une carotte, c'est-à-dire un petit tube à peu près comme largeur d'une cigarette, et ensuite il était broyé. Donc, finalement, après beaucoup d'études, ils se sont dit, ça sert à rien la carotte, on va tout de suite prélever de la poudre. Et cette poudre est mise entre deux vitres dans Kémine. Et vitre transparente, et on bombarde sur un faisceau de rayons X. Et comme on a une symétrie axiale parfaite, en fait, tous les cristaux vont diffracter les rayons X selon des angles qui vont créer des cercles. Et la dimension de ces cercles sont caractéristiques de chaque cristal contenu dans la poudre. Donc, par exemple, le cristal SiO2 va faire un cercle. C'est le silicium, le SiO2. SiO2, c'est le silicate. Avec l'oxyde, c'est le silicate. AlDO3, c'est un autre cristal, FeO c'est un autre cristal, voilà. Donc chaque cercle correspond à la nature d'un cristal. Par contre, ce qui n'est pas cristallin ne va pas faire de cercle. Alors ça peut faire des choses beaucoup plus. Notamment, je crois que les phyllosilicates, les argiles, ont été détectés très près du spot initial sous forme d'une espèce de brouillard. Tu en sais plus, Patrice ? Oui, non, je vais en rester là, mais le principe, c'est celui qui est décrit effectivement par Francis. Il a bien précisé que cet instrument avait aussi évidemment une meilleure capacité à bien déterminer la nature de cristaux que de face beaucoup plus amorphe, c'est-à-dire justement en fonction de l'organisation de la matière. Donc ça, c'est un peu les limites. Des matières organisées en cristaux, c'est déjà mieux. C'est les limites un peu. Qui voudrait discuter avec les intervenants ? Monsieur. Bon, je vais poser une question peut-être un peu iconoclaste. Combien a coûté tout ce programme ? C'est-à-dire combien a coûté le robot ? Combien a coûté le lancement ? Le programme global, si vous avez un petit niveau de détail. Et combien ça coûte à la France aussi ? Bon, Curiosity est un programme de la classe flagship à la NASA. C'est-à-dire que c'est des missions très ambitieuses que la NASA n'envisage que tous les 10 ans. Donc c'est pas un programme quotidien ou annuel. Donc, et en l'occurrence, ce programme a dépassé... était autour de 2 milliards de dollars. Il y a eu des pépins techniques qui les ont obligés de reporter le lancement de 2009 à 2011. Et donc, finalement, la facture finale est aujourd'hui à 2 milliards et demi de dollars. Et la part française représente environ 40 millions d'euros. Donc, on représente 2,5% du total. Avec 40 millions d'euros... On a un retour sur investissement en termes scientifiques, en termes de visibilité, qui est quand même énorme. Vous faites de la culbute. Bien évidemment, c'est tout l'intérêt de travailler dans ce contexte-là. D'abord, il faut savoir qu'on travaille avec les meilleurs au monde. Le Jet Propulsion Laboratory, c'est 5000 personnes spécialisées dans l'exploration planétaire. Je crois qu'ils ont à leur actif les plus belles missions planétaires que l'on connaisse, y compris les missions Voyager, les plus anciennes, les missions Pionnières. Une partie des missions Viking, Galileo, Cassini, donc toutes ces missions dont vous avez probablement entendu parler ont été réalisées par le JPL. Donc ils ont un savoir-faire qui est unique au monde. On n'a pas beaucoup reparlé de l'atterrissage, mais c'est quand même une prouesse technologique extraordinaire. Ils ont fait du pilotage hypersonique sous bouclier thermique, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ils ont un système de Skycrane. Ce que je peux vous dire, c'est que les ingénieurs, au début, les ingénieurs JPL disaient, mais non, mais c'est une histoire de fou, ça ne marchera jamais, ce truc. Parce que les câbles, on n'aime pas trop. Il faut raconter d'un mot comment ça marche. Le principe, c'est que vous avez... Donc au début, vous avez un bouclier thermique. Le bouclier thermique sert à la partie chaude au moment où vous touchez l'atmosphère. Dès que vous avez beaucoup... vous avez perdu 99% de vitesse, vous ouvrez un parachute. Et vous pouvez larguer le bouclier thermique, il ne sert plus à rien. Et là, vous tombez sous parachute, mais vous êtes tout de suite très très près du sol. C'est la particularité de Mars, c'est la difficulté de Mars. Parce qu'on a une atmosphère qui est très ténue, hein, qui est très, très... En gros, la pression du sol est équivalente à la pression de ce monsieur qui a sauté dans l'espace, la Grottinger. Non, Félix Baumgartner. Baumgartner, voilà. Il a sauté à peu près d'une altitude où il y a 6000 bars de pression. Donc c'est 30-40 km d'altitude sur Terre. Et donc vous ne pouvez pas vous poser sous parachute. Vous allez vous écraser immédiatement. Donc il faut un nouveau système. Là il y a différentes variantes. Mais quand vous posez une tonne, il faut les systèmes à rétrofusée. C'est incontournable. Et là l'originalité, c'est que vous mettez les rétrofusées au-dessus. Alors c'est très intelligent parce que les rétrofusées au-dessus, c'est stable dynamiquement. Ça pas... Si vous mettez les rétrofusées en dessous, souvenez-vous Armstrong, le problème c'est que vous vous retournez facilement. Si vous êtes en rétrofusée qui vous freine par le bas, c'est très instable. Ça demande qu'une chose, c'est de se retourner. Là, vous mettez les rétrofusées en dessous, au-dessus, sur le côté, bien sûr, c'est stable. Le problème, c'est que vous allez arriver jusqu'à environ 10 mètres du sol, et là, il faut descendre sous un câble, trois câbles. C'est le côté ascenseur de la chose. C'est là où il y a une originalité ça nécessite une grande stabilité du système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que système commence à dériver à cause du vent. Une plateforme avec des rétrofusées, d'où va descendre... Elle va se stabiliser à 5 ou 10 mètres du sol, je ne sais plus exactement. Et le rover va descendre au bout du câble. Le rover descend au bout du câble. Voilà, et le rover a un senseur de contact. Dès que le rover touche le sol, il y a des coupes-câbles qui immédiatement coupent les trois câbles et le Skycrane est propulsé en l'air et va s'écraser à quelques kilomètres plus loin. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas trop pollué le sol. L'autre gros avantage, c'est qu'on ne pose que la masse utile. Donc le bilan masse est excellent. Alors que sinon, vous avez toute une structure inerte, Spirit, il y avait des structures. Et ça coûte de la masse et c'est pas très bon. Donc, et en plus, c'est scalable, excusez-moi du jargon. Ça veut dire qu'on peut, on peut imaginer, là on peut la poser 900 kg, on peut imaginer de poser 2 tonnes, on peut imaginer de poser 10 tonnes. Avec ce système-là, avec le même principe. On pourrait presque poser des hommes, enfin, des cabines habitées. Même si, à mon avis, on ne le fera pas pour d'autres raisons. Mais on peut augmenter la masse du système. Donc ça a beaucoup d'intérêt. Mais ça demande une maîtrise du vol parfaite. Et là, là ça demande un savoir-faire bon, qui n'est pas facile. Elle va durer combien de temps, l'émission Bah, sa durée nominale, c'est 2 ans. Ce qui était prévu à l'origine. Voilà. Ah oui, 2 ans martiens ou terrestres, demande Yves Sacquin. Deux années terrestres. Mais maintenant, elle est plutôt illimitée. Juste pour, illimitée. On aime bien donner cette comparaison. Les robots géologues, les mers là, qu'on avait envoyés en 2004. Spirit et Opportunity. Voilà, leur durée de vie nominale était de quelques mois, en fait. La mission était de quelques mois, donc... Il y en a un qui fonctionne toujours. Donc depuis 2004, ça fait quasiment 10 ans. Ouais. Si on applique le même coefficient de linéarité à 2 ans, effectivement, on finira notre carrière avec MSL. Donc a priori, d'accord, ça ne sera pas le cas. MSL, c'est Curiosity. Ouais. Voilà, pardon. Oui, Curiosity. Eric Lorigny au FIMOC, il y a des avancées. Comment ça se passe en termes de logiciel, je suppose, je ne sais pas. Alors, en fait, oui, on a développé au niveau du CNES des outils pour arriver à suivre ces deux instruments. On utilise aussi beaucoup de logiciels qui sont faits par le GPL, donc des outils notamment pour tout ce qui est programmation des instruments. Il faut savoir que chaque soir, donc il y a des ingénieurs qui programment les deux instruments, que ce soit SAM ou CAMCAM, et c'est vraiment pas toujours facile à faire. Et souvent, comme ils disent, on a la boule au ventre au moment d'y arriver parce que on a la boule au ventre. Ouais, la moindre erreur de programmation là-dessus peut mettre en péril l'instrument, ou même plus grave, d'autres instruments ou le rover. On peut faire des bêtises. On peut faire des bêtises, oui, ça c'est sûr. Toute programmation est délicate. Une qu'on a faite, c'est d'avoir tiré sur le bras, c'est-à-dire que on n'avait pas le bras en visu, donc on avait programmé tout pour tirer sur un caillou et à une certaine heure, et le bras, à ce moment-là, s'est déplacé et est venu... dans notre ligne de tir, et donc nous on était prêts à tirer, et le rover a détecté la collision et donc a annulé le tir. L'énergie étant fournie par donc le mini réacteur, disons pour simplifier, quelle est la puissance totale disponible, puisque je crois comprendre qu'elle doit servir à tout, aussi bien pour déplacer le rover, pour faire fonctionner les appareils, etc. Le RTG, de mémoire, je crois qu'il le fait... RTG, c'est le réacteur, c'est la source nucléaire, qu'on appelle un RTG, fait, je crois, 125 watts. Alors, en fait, on parle en énergie, parce que l'important, c'est quelle quantité d'énergie on a par 24 heures. Et l'énergie, elle est à peu près 10 fois l'énergie qu'avaient les petits rovers Spirit Opportunity. Et sauf erreur de ma part, c'est de l'ordre de 500 watt-heure par 24 heures. On peut utiliser 500 watt-heure sur une journée de 24 heures. Après, on fait ce qu'on veut avec. On roule, on chauffe les fours de SAM, on tire au laser qui consomme de l'énergie. Tout ça, ça consomme de l'énergie. Mais voilà, c'est ça la limitation. Et c'est ça qui va limiter aussi, on n'en a pas parlé, mais la question va venir, combien le rover peut, à quelle vitesse il roule. Alors la vitesse, c'est pas intéressant parce que c'est très très lent. Elle est en centimètres par seconde. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien de mètres il fait par jour. Alors, on a eu un débat entre nous. Opportunity, encore une fois, je me réfère à lui, a le record mondial martien, bien sûr. C'est l'un des petits rovers 70 kilos. Il a fait 200 mètres en une journée. 200 mètres en une journée. Ça, c'est le record mondial d'Opportunity sur un site pratiquement de poussière plate, donc extrêmement lisse. D'accord. Moi, je pense que Curiosity pourrait faire 1 kilomètre en une journée. Ah oui. En termes d'énergie. Mais il y a peut-être d'autres contraintes, et le GPL, d'abord le site est beaucoup plus difficile que le site d'Opportunity. Moi, à mon avis, 100 mètres sans problème, plusieurs centaines de mètres également, et après on verra. Je vous propose une page de publicité. Depuis que j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait des zones chaudes en profondeur sur Mars, et que peut-être il pourrait y avoir de l'eau dedans, j'ai prévu déjà la publicité pour dans 200 ans quand on partira en vacances. On va au sauna, à Center Park, à Aqua Boulevard, un jour pour se détendre, vous allez voir qu'on ira en vacances sous le sol de Mars. Prendre un bon bain chaud, ce sera pas de la farce. Savourez les zones chaudes en profondeur, les zones chaudes de Mars, c'est le bonheur. bains d'argile pour retrouver le calme, des bains de vapeur au méthane. Tout est sécure sur cette planète, à condition d'éviter les comètes. Ça voudrait les eaux chaudes en profondeur, les zones chaudes de Mars, c'est le bonheur. Pour de petits milliards et demi, sautez dans le prochain Mars Express et c'est parti. Vous profiterez des réjouissances de Mars, du bout des cheveux jusqu'au bout des métatarses. Savourez les zones chaudes en profondeur, les zones chaudes de Mars. Raphaël. Merci. Oui, deux questions. La première sur l'atterrissage sur Mars. Qu'est-ce qui est prévu pour ExoMars s'il n'y a pas de Skycrane? Ça m'inquiète un peu. Et puis l'autre chose, sur l'un des scientifiques, j'ai oublié son nom, mais disait que si on prenait l'eau qui avait... qui était responsable de l'altération des roches sur Mars. Si on avait tenté de la boire, elle était buvable, elle n'était pas trop acide. Vous pouvez nous expliquer voilà quoi, pourquoi est-ce qu'elle devrait être acide ou pas ou... Bon, je vais laisser l'acidité à Patrice. Pour ce qui est d'ExoMars... ExoMars, il faut rappeler ce que c'est. Alors, ExoMars, c'est... on en est à 40 tentatives d'exploration de Mars. Beaucoup d'échecs. Maintenant, on voyait 40 d'échecs. Satellites et sondes beaucoup sur et autour de Mars. Ouais. Dans les 40, je compte les échecs. Il y a environ... on est à... Je crois qu'on est à 40% de réussite, ce qui est un score assez médiocre par rapport à Vénus ou autre. Là-dessus, il y a actuellement une mission européenne unique qui est un succès, qui s'appelle Mars Express. Et la deuxième mission européenne... Qui sera un succès aussi. On peut l'espérer. S'appelle ExoMars et qui est une mission double. Donc la première va être un démonstrateur d'atterrissage martien, parce que nous l'Europe, nous ne savons pas nous poser sur Mars, et je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très compliqué de se poser sur Mars. Il y a des technologies à mettre en point, et donc le seul moyen de prouver qu'on sait le faire, c'est de le faire. Alors par contre, la mission intéressante, elle a lieu 2 ans plus tard, donc la première était en 2016, la deuxième sera en 2018, si tout va bien, et là c'est un rover... qui n'est pas du tout de la taille de Curiosity, qui est plutôt intermédiaire entre Spirit et Curiosity, mais un peu plus près de Spirit que Curiosity quand même. Il doit faire 300 kg exactement, donc le tiers de Curiosity. Il est bardé d'instruments assez sophistiqués par contre, mais c'est un programme qui a des difficultés de financement. On a essayé de travailler avec les Américains ont claqué la porte brutalement pour des raisons de difficultés budgétaires, parce qu'eux aussi ont des difficultés. Et donc actuellement, l'Agence spatiale européenne s'est tournée vers la Russie. Et la Russie doit nous lancer notre rover et le poser sur Mars. Bon, les Russes, ils savent envoyer des hommes dans l'espace avec les Soyouz et ils savent les ramener sur Terre. Alors c'est pas exactement les mêmes technologies, mais... Monsieur a dit qu'il était inquiet, je le suis également un peu, honnêtement. Je crois qu'on l'est un peu tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, penser que les Russes vont nous poser sur Mars, c'est pas ce qui nous rassure le plus. Mais l'ESA va faire en sorte de veiller à ce que tout se passe bien, c'est-à-dire à avoir un œil sur ce qui va se passer en Russie. Donc on espère que l'affaire va être un succès. Et donc lancement 2018 pour un rover qui, lui, va chercher la vie sur Mars. On veut carrément chercher des traces de vie passée ou présente. Voilà. Et alors nous, on va forer non pas 6,4 cm, qui est l'unique forage actuel sur Mars, on va forer 2 mètres. C'est un maximum, hein, on ne peut pas aller plus loin que 6,4, sinon on peut aller plus loin. On va carrément forer 2 mètres avec ExoMars. Hein. Ce qui est peut-être un peu excessif. Au sens où, déjà, si on forait 50 cm, ça serait déjà extraordinaire. Maintenant, cette question de la profondeur du forage, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont plaidé pour des forages profonds, et l'argument, c'est les effets des rayonnements cosmiques sur le long terme, jusqu'à des profondeurs d'un mètre, typiquement. Et donc, on cherche la vie, on imagine de la vie vivante, hein, pas de la vie fossile, on pourrait éventuellement la chercher. Voilà. Et donc, si elle est présente, elle serait présente en souterrain, puisque vous l'avez dit, en surface, c'est très oxydant, donc très défavorable à la vie. Et donc, il faut aller forer si on veut chercher la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pétroliers qui forent sur Terre trouvent des bactéries jusqu'à des kilomètres de profondeur. Donc des bactéries qui vivent sous terre, ça existe. Maintenant, on n'est pas capable d'assurer qu'il y en a sur Mars. Mais la question, c'est à combien on fort. C'est vraiment un débat, hein, et ce débat n'est pas du tout consensuel. Il y a des gens qui pensent que forer à 2 mètres, c'est complètement fou, trop ambitieux, trop difficile, au regard de la difficulté qu'ont eu les Américains à forer 6 cm 4, je précise bien. Ça a pris 3 semaines de forer 6 cm 4. Donc nous, avec nos 2 mètres, j'ai peur qu'on soit très ambitieux. Si déjà on arrive à enfoncer une tige et à faire 50 cm, ça sera excellent. Et si effectivement on trouve des éléments de type biologique, on aura un excellent retour scientifique. Mais maintenant, il faut arriver à se poser sur Mars. Et on se pose un peu avec des technologies classiques, bien entendu bouclier thermique, bien entendu parachute, et derrière, on va avoir un système qui est à base de rétrofusée. Mais c'est pas du soft landing, comme on dit. C'est pas Armstrong qui se pose en automatique, hein, pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus anciens. C'est quelque chose qui va pratiquement nous larguer à un mètre du sol, et ensuite, boum, on va tomber comme une pierre sur un matériau écrasable. Voilà, c'est ce qu'on appelle du semi-hard. Un matériau écrasable, c'est une sorte de matelas gonflable, c'est ça ? Du carton. Du carton, d'accord. Du carton, bon, d'accord. Il y a des systèmes gonflables, mais c'est plus les systèmes gonflables. Maintenant, on est plutôt dans du matériau écrasable. Une sorte de structure en nid d'abeille qui va s'écraser au moment où... Voilà, pour les derniers mètres de la descente, on va dire. C'est ça. Alors, il y avait l'autre question. L'acidité de l'eau. Ah oui, parce qu'il y a un grand scientifique américain, effectivement, qui a dit cette eau, on pourrait la boire. Oui, je pense. Cette eau qui a coulé, là, qui a fait des fabriques de gypse, etc. Je faisais référence à un communiqué de presse de la NASA qui a eu lieu mi-mars, où a été révélé qu'en fait, on avait... forêt dans une roche, dans un site qui s'appelle John Klein, et on va dire dans une structure de cette roche, une sorte de veine choisie à dessein, et qui a permis de qualifier l'environnement humide de Mars au moment où cette veine, on va dire, s'est remplie. Et donc, contrairement à ce qu'on imagine de grande partie de Mars, cet échantillon où il y a de l'argile, des sulfates de calcium, etc., montre que l'environnement était alors à la fois moins salé, moins acide et moins oxydant que ce qu'on imagine des données moyennes de Mars. On va dire un site idéal pour qualifier une habitabilité passée sur des terrains relativement anciens. L'habitabilité, c'est justement le but premier de la mission, hein. Francis parlait là actuellement des prochains objectifs qui pourraient être plutôt la caractérisation de la vie passée par exemple. Avant, on a parlé des missions mères qui étaient plutôt des robots géologues, hein, comme un géologue qu'on va croiser sur la montagne noire avec son marteau de géologue. Ça, c'était les premières missions pour retracer finalement le climat passé et l'histoire de l'eau sur Mars. Là, on est plus sur des affaires d'environnement, et donc justement, qualifiant cet échantillon, on qualifie l'environnement. C'est-à-dire on est plus sur des manips de physico-chimie, on diagnostique les paramètres de cet environnement. Avec Curiosity, hein, c'est ça qu'on fait. Et donc, je vends quelque part la mèche qu'évidemment, on ne sera pas capable de qualifier une vie passée, puisque ce ne sont pas des expériences de biologie qui a... Qualifier, c'est-à-dire la caractériser, la décrire. Voilà, la caractériser. Donc là, on est sur vraiment définir l'habitabilité, c'est-à-dire de voir s'il y a pu avoir, on va dire, des logements pour accueillir la vie, sans s'occuper de voir si ces logements étaient vacants ou occupés. Ça pourrait être l'objectif de mission future. Donc oui, pour répondre précisément à la question, c'était notamment le type de sulfate de calcium qui a été trouvé, qui correspond à un type de sulfate de calcium qui ne peut pas se former en conditions trop acides. D'où le résumé qui était cette eau aurait pu être bue par un humain tel que nous les connaissons. Puis cette annonce, elle tombait bien parce que le Curiosity venait de connaître cette anomalie informatique, donc ça tombait à propos. D'autres interventions, d'autres questions ? Alors, monsieur. Alors, je ne vais pas parler de chiffres, juste de confiance pour savoir quel degré de véracité vous accordez aux photos panoramiques de la NASA sur leur site et qu'elles distribuent aux médias. Que sous-entend votre question, cher monsieur ? Les photos panoramiques qu'on voit... Bon, là, je vais parler que de Curiosity, mais en fait, elles sont toutes litigieuses. Litigieuses ? Ouais. Alors, à quel égard ? Qu'est-ce que vous pensez ? Vous prenez n'importe quelle photo panoramique... Vous les agrandissez, il y a des artefacts, il y a tout ce que vous voulez. Donc, quel type d'artefact ? Artefact, ça veut dire anomalie, justement. Voilà, anomalie. On voit sur leurs photos qu'ils mettent sur le site de la NASA, par exemple, On voit des mini-humanoïdes. Ça gonfle de plus en plus sur Internet. Oui, d'accord. Donc là, voilà, ça gonfle sur Internet, Patrice Coll. Moi, je vais parler parce que je ne fais pas partie des géomorphologistes de la mission, donc c'est vraiment pas mon... Qu'est-ce que c'est un géomorphologiste? C'est quelqu'un qui va regarder un paysage, notamment, qui va faire des analogies avec ce qu'on sait de le même type de paysage sur une autre planète tellurique qui est la Terre, qu'on a assez bien documenté. Donc, ces personnes-là, notamment au premier moment de la mission, les 3-4 premiers mois, quand on faisait très peu d'analyses, justement, parce qu'on était en train de mettre en œuvre, on va dire, tous les outils, tous les instruments, mais en fait, arriver à reconstituer finalement l'histoire locale, notamment des écoulements d'eau, des bassins versants, etc., par des comparaisons. Évidemment, après, l'instrumentation était là pour conforter ou non leurs observations. Mais moi, en fait, justement, j'interviens presque en candide là-dessus. Ce qui m'a impressionné au moment de l'atterrissage, c'est que on a atterri, il y a cette fameuse première photo qu'on n'a pas là, qui montre en fait l'ombre du rover, un bout du rover et le Mont Sharp tout au fond, donc quasiment une photo, on va dire, publicitaire. Le Mont Sharp, c'est là où on veut se rendre, hein, c'est au final. Voilà, au fond du cratère, un monticule de quelques kilomètres de haut, qui est le Saint Graal, presque, qu'on voudrait atteindre au final dans cette mission. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu l'histoire de la localisation du site d'atterrissage. Au départ, en fait, il n'y a pas de données parce que tout n'est pas déployé, les antennes ne sont pas déployées, donc on ne sait pas où on a atterri exactement. On ne sait pas exactement où on a atterri. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme on a déjà expliqué, Mars est désormais un petit peu chez nous, tout simplement parce qu'il y a des orbiteurs, il y a eu une succession d'orbiteurs, parce que l'exploration contemporaine de Mars est assez intense depuis 15 ans. Et donc, comme Google Earth, il y a également un Google Mars qui existe. Donc, c'est-à-dire, c'est les données NASA, notamment, qui sont passées dans le domaine public et qui ont été utilisées par Google pour faire, finalement, une cartographie de Mars. Vous pouvez vous balader sur Mars comme si vous y étiez. Et finalement, la rétroaction amusante, c'est que, avec la vue, le panorama du Mont Sharp, justement, les géomorphologistes ont essayé d'estimer, avec l'aide de Google Mars, où on avait atterri. Et donc, il y a tout un groupe qui a travaillé pendant quasiment une bonne journée, et qui finalement a réussi à identifier le lieu d'atterrissage à 8 mètres près. C'est-à-dire en se fiant effectivement aux données NASA qui avaient été retraitées par Google, et en l'utilisant comme un outil, puisqu'évidemment, à un moment, on a pu mettre en place tous les systèmes de GPS et savoir exactement où on était. Donc ça, c'est juste, on va dire... On savait qu'on était au cratère. On savait. Et en plus, on aurait pu le savoir par la suite, puisque là aussi, comme on a des capacités d'observation qui sont assez fortes, maintenant, sur ces orbiteurs, on a des caméras qui sont capables de voir des détails, on va dire, entre 1 et 2 mètres, ce qui fait qu'au moment du passage du satellite, on avait aussi la capacité d'observer où était posé le rover. Allez-y. Il y a eu toute une affaire qui s'est appelée le visage de Mars au moment de Viking en 76, et effectivement, sur une photo prise par un orbiteur Viking, on voyait un visage. Et ce visage a fait beaucoup parler de lui à l'époque, et Internet est arrivé par la suite, et a beaucoup, et notamment autour du visage, il y a des pyramides, il y a des alignements, il y a différentes choses. Il a fallu que la NASA sorte l'image de la colline du visage pour un petit peu calmer l'excitation sur ce visage, parce qu'on parlait de civilisation là aussi. Et d'ailleurs, ce visage est repris dans le film Mission to Mars. Mais ce visage n'est qu'une colline de 1,2 km de long. Eric Lorigny, allez, on se met à 3. Allez, juste pour finir, moi je travaille tous les soirs avec ces photos qu'on reçoit de la NASA, et sur lequel on doit faire toutes nos programmations, qui sont des programmations ultra précises, à moins d'un milliradian, et on a des photos qui sont prises par... Milliradian, c'est une mesure de... C'est un angle qui est très très faible. On arrive à voir des détails qui sont bien en dessous du millimètre, hein, au niveau de nos photos. On a une caméra qui est sur CamCam, qui donne des photos ultra précises, et je peux vous dire que partout où on a tiré, partout où on a visé, on a essayé toujours d'appuyer sur les photos qu'on reçoit de la NASA, et je vous assure qu'elles sont ni truquées, qu'il n'y a ni ruines, il n'y a rien du tout. Donc, allons-y. C'est quoi ? Je voulais juste préciser toutes les images brutes sont disponibles sur Internet, et il existe des gens, notamment en France, il y a une personne qui est un amateur que nous ne connaissions pas du tout au CNES, qui a fait des traitements d'images avant même que la NASA ne les ait fait, et qui a sorti des images retraitées absolument magnifiques. Ce monsieur a un blog dont je ne connais pas l'adresse exacte, mais son nom c'est Damien Bouic. Damien Bouic. U-I-C. Et vous pouvez aller voir son blog, les images sont absolument extraordinaires. Et c'est un amateur qui fait ça tout seul et qui récupère les images brutes, hein, il les assemble, et, etc. Et pour faire un grand panorama, il faut assembler beaucoup, beaucoup d'images et il faut. Bon, voilà, il y a beaucoup de traitements à faire, de corrections géométriques et c'est tout à fait d'excellente qualité. Monsieur. Bonsoir, je voudrais aimer savoir où était passé l'eau en fait. Où est passé l'eau? Où est passé l'eau de Mars? Il y a des applaudissements, hein. Cette question est applaudie ici. Alors, l'eau de Mars, c'est une saga. La saga de l'eau de Mars. Disons que ce que nous savons, c'est que Mars a 4,6 milliards d'années, hein, pour fixer l'âge, comme la Terre d'ailleurs. Et il y a environ 4 milliards d'années, il y a eu énormément d'eau sur Mars qui a coulé d'à peu près partout. Il y a eu des continents de la taille de l'Europe qui étaient constitués de glace dans le sol, qui se sont effondrés sur eux-mêmes. Il y a eu des débâcles absolument gigantesques. On a repéré certaines vallées de débâcles qui font 1000-1500 km de long. Donc des débâcles, c'est-à-dire que c'est l'eau qui... C'est le sol qui s'effondre. Ah, qui s'effondre. Parce que le sol est très riche en eau, sur des dimensions qui couvrent un continent de la taille de l'Europe. C'est pas un phénomène local, c'est vraiment un phénomène largement régional. Et qui a formé une débâcle qui alimente une quasi-valis, est une vallée qui fait 1000-1500 km de long. Donc ce n'est pas des petites débâcles, c'est des débâcles absolument monstrueuses, et c'est sur des distances gigantesques. Donc il y a eu beaucoup d'eau sur Mars qui a coulé. Le problème est de savoir s'il y a eu de l'eau liquide, stagnante, sur des durées longues. Donc des océans, des mers... Des océans, des mers, des lacs intérieurs, des lacs dans des cratères. Chaque cratère, c'est un bol. Ça pourrait faire un lac très facilement. Une durée longue, c'est quoi? Pour la vie, c'est 100 millions d'années. Le temps que la vie apparaisse, c'est l'échelle de temps, c'est 100 millions d'années. On a besoin d'eau pour que la vie apparaisse. On a besoin de barboter dans l'eau. 100 millions d'années. Voilà. Et cette eau n'est pas une eau pure. C'est une eau qui, quand on tacle avec le sol, qui dissout tous les sels, qui... Voilà. Sur Terre, la vie est probablement apparue plusieurs fois, mais elle a été détruite par les bombardements de l'époque, qui étaient extrêmement cataclysmiques. Mais voilà. Alors, la grande découverte de la décennie, et on peut être fier, c'est une découverte française, financée par le CNES, on peut le dire aussi, c'est que l'instrument Omega, dont la responsabilité est en incombe au professeur Bibring, a découvert les argiles. Qui se trouve sur Mars Express, justement. Qui se trouve sur Mars Express. Ce satellite européen. Il a été le premier à découvrir les argiles. Or, les argiles, c'est le smoking gun. C'est la preuve que Mars a été chaude et humide. C'est la preuve que, tout à l'heure, tu parlais d'acidité et de, basique, acide et neutre. Typiquement, quand on est dans la phase d'argile, on n'est pas du tout dans une phase acide. On est dans une phase où, effectivement, les roches volcaniques barbotent dans l'eau et ça fabrique des argiles. Et ça, c'est il y a très très longtemps, 4 milliards d'années. Ensuite, l'environnement devient un peu plus hostile et devient acide. Et là, on fabrique des sulfates, notamment parce qu'il y a beaucoup d'océans qui crachent plein de soufre, et donc tout ça fabrique des sulfates en milieu acide, sauf peut-être des sulfates de calcium, mais enfin là, on rentre dans des subtilités. Et ensuite, Mars devient un désert sec et glacé. Donc, où est devenue l'eau? La réponse est, il y en a une partie au pôle, il y en a une bonne partie à l'intérieur, oui, mais on ne sait pas la quantifier. Il faut rappeler qu'il y a des glaces d'eau, hein, au pôle. Hein. Oui, mais qui ne représentent, moyenné sur la surface, que 7 mètres. Donc, moyenné sur la surface, c'est très faible. Ça ne représente pas le bilan global de l'eau sur Mars. Donc la question « où est passée l'eau ?» est une question très pertinente, à laquelle nous ne savons pas bien répondre. Une partie est dans le sol, mais nous ne savons pas quantifier. Parce que nous, même si on voit le toit du pergélisol, c'est-à-dire le sommet de là où il y a de la glace, on ne connaît pas l'épaisseur du pergélisol. On ne sait pas s'il y a 1 km, 100 mètres, 10 mètres de pergélisol. Et troisième possibilité, l'eau s'est échappée dans le milieu interplanétaire quand Mars a perdu son atmosphère il y a environ 3,7, 3,8 milliards d'années. Et donc, voilà, donc le bilan, il est entre ces trois puits, qu'on appelle des puits, l'épaule d'une part, qui est bien connue, le sous-sol et l'échappement. Vous évoquiez tout à l'heure les futures missions sur Mars, et la NASA, visiblement, projette de lancer des missions de retour d'échantillons dans les années 2020, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais savoir quels seraient les moyens mis en œuvre, justement, pour réussir à ramener ces échantillons sur Terre. Alors, la mission de retour d'échantillons martiens, c'est également un serpent de mer. J'ai affiché sur mon bureau une belle affiche dans laquelle on prévoyait son lancement en 2005. Depuis, j'ai mis un 1, 2015, et depuis, j'ai mis un 2. Donc, on est plutôt à 2025 aujourd'hui, c'est la réalité à peu près. Et pourquoi c'est un serpent de mer? Parce que c'est une mission qui va coûter à peu près 4 fois Curiosity. 10 milliards. Et c'est une mission qui va nécessiter 3 lancements minimum, voire 4. Donc le premier qui va être un rover de type Curiosity qui va faire de la collecte d'échantillons, qui va les mettre dans un beau panier avec des petites alvéoles. Voilà, chaque échantillon va avoir sa place. Et quand cette collecte sera faite, le palier va être fermé et le rover a terminé sa mission. La deuxième mission part. Là, c'est un deuxième rover, léger, rapide, va se poser aux alentours et va aller chercher le panier en taillant la route, rencontrer le... Alors, un rendez-vous de la surface de Mars, il y a 20 ans, c'était inimaginable. Maintenant qu'on sait qu'on peut se poser à 6-7 km près, le rendez-vous à la surface de Mars devient possible grâce à l'amélioration des technologies. Donc, à ce moment-là, on récupère le panier et on le ramène à alors c'est là où il y a peut-être une troisième mission, un engin qui est assez lourd, qui est une fusée de remontée. C'est-à-dire qu'on va mettre ce conteneur au sommet d'une petite fusée qui est couchée, qui fait peut-être 2,50 m de haut, qu'on va redresser. Et donc, à ce moment-là, la fusée est mise à feu et met non pas les échantillons vers la Terre, elle ne sait pas le faire. Il faudrait mettre Ariane 5, en gros, sur Mars pour le faire. Donc la petite fusée va mettre le conteneur en orbite martienne, à 600 km. Et là, il y a un dernier engin qui va le chercher, le courir après, le récupérer. En orbite. En orbite. L'attraper vraiment au panier, au papillon, hein, ça va être à peu près comme ça, pour ensuite le mettre dans une capsule et ramener le tout sur Terre. Donc vous voyez qu'il faut 3 ou 4 engins avec des phases très très difficiles. Ce rendez-vous et capture en orbite, c'est quelque chose qui est... on ne sait pas faire. Voilà, et donc c'est compliqué et ça explique pourquoi ça prend du retard tout le temps. Et dernier point, le retour de l'échantillon me paraît la mission impérative et nécessaire pour statuer définitivement sur la question de la vie sur Mars. Sans cette mission, il y aura toujours une polémique. Il y en a eu sur Viking, il y a des gens qui pensent qu'on a trouvé de la matière organique sur Viking, voire même de la vie. Il y a un monsieur qui est le responsable d'une expérience, qui le dit, qui continue à le dire, mais il est tout seul. Mais la polémique sur le web, ça va très vite, hein, ça se répand très bien, mais il est tout seul. Maintenant, si on veut que cette polémique se taise, il faut que les échantillons soient sur Terre et que des équipes indépendantes, américaines, mais pas seulement, aussi françaises, allemandes, japonaises, puissent confirmer par leurs analyses qu'on trouve bien des petites bêtes qui se promènent dans l'eau, etc. Alors, on va poursuivre. Il y avait quand même deux petites images là, qu'on n'a pas encore commentées. Il y a celle où on voit le sable là, et ces roches brunes, grises. Qui voudrait nous en dire un mot, Patrice Coll, peut-être? Ça, c'est Rocknest. C'est un site qui s'appelle Rocknest. Oui, donc là, cette image, ce paysage, c'est le premier site, on va dire, qui a été étudié vraiment en détail, longuement, où le rover s'est posé plusieurs dizaines de sols, on va dire, au bout d'à peu près 3 mois et demi. Là, ce qui est assez notable, c'est finalement tous ces dépôts éoliens, c'est-à-dire tout ce sable qui est déposé, vraiment au centre de l'image, c'est du sable qui est déposé par le vent, en fait. Et globalement, c'est ce qu'on trouve à peu près partout à la surface du Mars, c'est-à-dire une poussière rougeâtre qui est bougée par le vent de zones sources vers des zones réservoirs. Et on a vu à plusieurs moments de la mission que dès qu'on soufflait cette poussière, on trouvait généralement des roches juste en dessous. Alors ça s'est produit en premier à l'atterrissage, parce qu'évidemment les rétrofusées ont balayé le site d'atterrissage. On a vu tout de suite le lit rocheux qu'il y avait dessous. Et ensuite, à une deuxième phase de la mission, où évidemment, on a là fait marcher les outils d'abrasion pour nettoyer des roches, et où là, à nouveau, on a enlevé cette poussière. Donc cette poussière, elle est quand même omniprésente sur Mars, et notamment dans le cratère Gale. Et on peut imaginer que cette poussière, c'est celle qui cache à peu près de l'observation toutes les micrométéorites, en fait. Quand on travaille sur les micrométéorites, on se rend compte qu'assez facilement, les micrométéorites devraient recouvrir... Enfin, il est possible que les météorites recouvrent le sol de Mars, en fait, qu'il y en ait assez pour recouvrir le sol de Mars. Par contre, elles sont peut-être un petit peu noyées dans cette poussière éolienne qui se dépose un petit peu partout. Donc là, sur ce site, en fait, c'est là qu'a été fait le premier grand cycle d'analyse. Un cycle d'analyse, c'est quelque chose qui va depuis les analyses amont, c'est-à-dire... pour faire simple, en étant un peu égocentrique au niveau français du ChemCam, qui a pour but de sélectionner les cibles, parce qu'à distance, on peut facilement faire de l'analyse minéralogique de premier niveau. Avec le laser ChemCam, là, qui se situe en haut du mât. Et ensuite, qui va jusqu'à la fin du cycle d'analyse, qui est utiliser SAM, c'est-à-dire un vrai labo d'analyse qui va fonctionner pendant plusieurs jours, pour faire une analyse plus dédiée, peut-être avec des meilleures quantifications du contenu de ces échantillons de sol. Donc c'est ce qui s'est passé à Rocknest, où en fait on a utilisé, comme c'était une dune meuble, et l'idée c'était d'abord de tester le matériel de récupération d'échantillons de sol, c'était de creuser avec une espèce de petit godet, de grosse cuillère à soupe, cette dune de sable, afin d'analyser justement cette matière meuble. Et c'est ce qui a été fait, et ça fait partie du premier grand set de données qui est public, puisque, en gros, il y a pas un embargo, mais on va dire les infos sortent de l'équipe par pas de temps. Et là, tout ce qui appartient aux 100 premiers jours d'analyse est public. Est public, est discuté au cours de conférences. La première a eu lieu au Texas il y a 2 semaines. Là, une autre aura lieu en Autriche dans un mois pour la partie européenne. Dans une semaine, pardon, pour la partie européenne. Donc voilà, c'est ça l'actualité. Donc après, nous, évidemment, ce qui nous intéressait pour ça, c'était de mesurer le contenu en matière organique. On va dire que ces échantillons ont été sélectionnés, ce site a été sélectionné surtout pour sa capacité à être échantillonné, à être creusé. Donc ce n'était pas l'échantillon qu'on aurait choisi, on va dire, qui était a priori le plus prometteur en termes de contenu organique. Mais par contre, on a réussi finalement à démontrer qu'il y avait, on va dire, vraiment presque rien en constituant organique à l'intérieur de ce sol. Donc ça a permis aussi d'éprouver les analyses, les machines, et de trouver un résultat qui est corroboré par tout ce qu'on imagine, puisque là on est clairement dans un milieu qui au départ est oxydant, si on parle de chimie, et qui donc... Destructeur Francis l'a évoqué, ouais. Qui a pour finalité sûrement de détruire toute matière organique qui peut s'y trouver, quelle que soit son origine. Ok, on a donc l'autre photo qui comporte une énigme alors. Francis Rocard, c'est quoi l'énigme de la photo? C'est qui est le photographe? Qui a pris la photo? Il y avait soit un humanoïde, soit un rover bis russe. Qui a photographié, soit russe, qui a photographié. Non, c'est assez bien fait. Et c'est même très étonnamment bien fait. Je dois dire qu'on est tous bluffés. On savait que c'était possible, mais arrivé à cette perfection, on est tous absolument subjugués. En fait, cette image est obtenue par une succession de nombreuses images prises par la caméra qui est au bout du bras. Donc, il se photographie lui-même. Et avec un agencement suxe du bras, on arrive finalement à le retirer totalement. Et donc, il n'y a aucun lien entre l'appareil photo... Oui. Et le rover. C'est un montage, c'est un montage, mais pris à partir de beaucoup de photos prises avec la caméra du bout du bras. On va bientôt se quitter, mais je crois que Raphaël a quelque chose à nous dire. Alors, puisque les Russes vont être de la partie, j'ai appelé Gilbert Bécaud pour qu'il fasse un petit hommage. Planète rouge était vide. Devant moi roulait Curiosity. Il courait à 1 mètre à l'heure. Curiosity. Il s'était posé comme de la margarine. Il me rappelait Yuri Gagarine. Il cassait des cailloux. Guidé par le biais de satellites. Il avait quelque chose de Spoutnik. Il roulait comme un fou. La planète rouge était vide. Devant moi accéléré Curiosity. Il fonçait à 2 mètres à l'heure. Curiosity. Curiosity. Curiosity. Il avait trouvé un joli caillou. Curiosity. Curiosity. Merci. Bon, on va bientôt se quitter dans quelques instants. Est-ce qu'il y a une dernière question qui vous brûle la... Cher monsieur, vous avez la parole. Cher monsieur, vous avez la parole. Quelqu'un qui n'a pas encore eu la parole, monsieur, c'est à vous. C'est pour revenir sur le retour d'échantillonnage, encore. Donc, pour le retour d'échantillonnage, au sujet d'une possibilité de contamination du sol terrien au niveau du retour d'échantillonnage. Donc, est-ce qu'il serait la question qui subsiste, est-ce qu'aujourd'hui Curiosity nous permet enfin, d'analyser et de limiter ces risques d'aujourd'hui? Ou est-ce que Curiosity 2 va nous permettre ceci avant? Alors comment est-ce qu'on s'assure qu'on n'est pas en train de contaminer Mars avec des bactéries terrestres? Et s'il y a un retour d'échantillon, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on ne va pas contaminer la Terre avec des bactéries martiennes? C'était plutôt la deuxième partie. Alors, c'est un scénario catastrophe qui a été déjà mis en avant par certains. Et le résultat, c'est comme on ne peut pas prouver que ce qu'on va rapporter est inoffensif, on est obligé de prendre 1000 précautions. Notamment, le conteneur dont j'ai parlé, il a 3 barrières étanches. 3 portes qui se ferment les unes derrière les autres. Et si les 3 portes ne sont pas fermées, il n'y a pas le go pour retourner sur Terre. Etc., etc. Donc il y a tout un processus de rupture de la chaîne de contamination pour s'assurer que les échantillons ne rentreront jamais en contact. Moi, j'y crois pas trop au danger de... Mais je peux pas le prouver, donc on est obligé d'en tenir compte. Mais c'est vrai qu'actuellement, on observe aux États-Unis une tendance qui fait un peu peur, parce que aujourd'hui, cette protection planétaire, c'est son nom, notamment pour l'auteur d'échantillon, pourrait certainement augmenter de 30% le prix de la mission. Donc il ne faudrait pas qu'on arrive à une situation où ça devienne impossible à cause de la protection planétaire. Donc il va falloir trouver des moyens d'essayer de faire baisser un peu cette pression, peut-être par des analyses, comme vous le dites, par des analyses préalables sur Mars, qui montreraient que, on ferait des petits bouillons de culture, comme on sait le faire dans des labos, mais on le ferait sur Mars. Et puis on verrait si, à 20 degrés, dans de l'eau, bien avec de la bonne nourriture, ces petites bêtes peuvent proliférer, peuvent tuer la petite souris qu'on aurait amenée. Enfin, faire des tests pour essayer de faire baisser cette contrainte, parce qu'aujourd'hui, ça risque de nous mettre dans une situation de ne jamais pouvoir faire la mission. Moi, je crois on a compris qu'avec Curiosity, on a là vraiment une mission superbe. D'ailleurs, vous êtes très nombreux et votre présence montre l'intérêt... que vous portez et qu'il est naturel de porter à une telle mission. Il y a du suspense encore. Hein. Est-ce qu'on va trouver des chaînes carbonées, des molécules organiques, de la matière organique? Ça aussi, c'est une grande, grande question, un grand enjeu autour de cette mission. La France, on peut dire, voilà, elle fait l'histoire, elle participe à l'aventure, elle participe à l'histoire avec cette participation française à Curiosity. Pour 40 millions d'euros, on a un retour scientifique qui va être gigantesque. Je voudrais terminer en vous disant juste une chose. Tout à l'heure, j'ai demandé à Patrice Coll comment c'était. C'était épuisant. Il n'a même pas voulu reprendre le mot épuisant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir discuté avec pas mal des équipes et avec Patrice Coll aussi, c'est que c'est effectivement un métier qui est évidemment extrêmement passionnant. Mais en réalité, vous n'êtes pas sur Mars, vous êtes avec des ordinateurs, il est 4h du matin, c'est à Toulouse, tout est fermé. C'est quand même aussi une vie un peu de moine, il faut le dire. Et on peut imaginer que quand Patrice Coll, quand Eric Lorigny viennent ici, c'est aussi pour reprendre un petit peu de cette passion qui les anime et puis qu'on peut peut-être oublier devant ces ordinateurs et devant ces lignes des codes. Est-ce que, s'il vous plaît, par vos applaudissements, vous pourriez leur transmettre toute la passion qu'ils ont essayé de vous transmettre ce soir et leur dire merci? Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.